Comme tout le monde, nos cellules vivent, se reproduisent et meurent. Des mécanismes de régulation d'une précision inouïe sont en place pour assurer que les cellules ne se reproduisent pas au mauvais moment ou au mauvais endroit, qu'une cellule malade n'infecte pas les autres, pour que le corps continue de remplir ses fonctions. Ce système en apparence parfaitement rodé connaît pourtant de terribles bugs. De temps à autre, des cellules malades se reproduisent à une vitesse folle, ignorent les instructions de l'organisme, désactivent tous les mécanismes de contrôle, entraînent les cellules voisines dans leur course folle et entraînent au bout du compte l'organisme tout entier vers la mort. Ce bug s'appelle le cancer. Et il n'y a sans doute pas une personne parmi tous nos auditeurs qui n'ait pas perdu un proche, un ami, un voisin, un collègue. C'est la maladie du siècle, nous sommes tous concernés. Face à un tel fléau, on cherche des explications. D'où cela vient-il? Pourquoi certains organes ne sont pas concernés? Qu'est-ce qui favorise la survenue de tous ces cancers? Des facteurs héréditaires, environnementaux, les deux? Encore un sujet sur lequel on entend tout et son contraire. Il était grand temps de faire le ménage. Ce soir, c'est Franck qui s'y colle pour nous. Nous sommes le jeudi 5 juillet, c'est l'épisode 93 ou 93. Bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Alors ce soir, pas grand monde pour assurer l'émission, donc professeur Fon, comme toujours, presque toujours à l'appel, et puis bah, évidemment Franck qui a préparé le dossier, salut Franck. Salut. Et puis c'est tout. Et oui. Et ouais, on a reçu un email un peu désespéré de Marco tout à l'heure qui disait qu'il était coincé au boulot, le pauvre, alors on pense à lui, je sais pas s'il arrive à nous écouter depuis là où il est. Et puis Nico avait autre chose ce soir, donc on n'aura pas d'illustration non plus sur la page du live, mais c'est pas grave, c'est sympa aussi les épisodes à deux. Bah ouais, carrément. Ouais. Donc ce puis, soir, oui pardon. Et puis j'ai beaucoup de choses à dire, alors okay, ça, bon, c'est parfait. Ça devrait occuper le temps. Voilà. Alors du coup j'abrège, je te cède la parole. Ok, ça marche. Alors bon, moi je vais parler du cancer aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler du cancer? En fait, parce que c'est comme beaucoup de maladies, il y a certaines maladies qui fascinent, qui font beaucoup parler d'elles. En fait, il y avait le VIH, je trouve, duquel on parle beaucoup. Puis il y a le cancer, évidemment. Dans le cas du VIH, je trouve que le fait qu'on parle tant de cette maladie est un petit peu déplacé par rapport à l'impact en santé publique de la maladie. Mais dans le cas du cancer, par contre, c'est tout à fait justifié. C'est-à-dire que le cancer, c'est une maladie qui a un très fort impact en santé publique. En France, c'est la première cause de mortalité. Et paradoxalement, par exemple, les maladies cardiovasculaires qui sont pas loin du tout font nettement moins parler d'elles. Bon, on en parle quand même avec les histoires de bon et de mauvais cholestérol, mais je trouve que c'est quand même en dessous du cancer. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est assez flagrant. C'est vrai. Alors, pourquoi la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que le cancer nous angoisse autant? Il est mortel, bon, c'est sûr que ça aide pas. C'est une maladie qui est universelle, qui touche tout le monde, qui est liée au quotidien, qui dépend de nos habitudes, et qui est aussi incurable. C'est une de ses caractéristiques. Mais toutes ces caractéristiques-là, elles sont partagées par d'autres maladies. Alors, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans le cancer qui nous fait aussi peur? J'ai un petit peu réfléchi comme ça et je pense que c'est son côté insidieux, c'est-à-dire qu'en fait le cancer il apparaît, on s'en rend pas compte et une fois qu'on s'en aperçoit c'est trop tard. Et je pense que c'est ça qui fait qui nous terrifie tellement dans le cancer. Et puis il y a une autre des raisons pour lesquelles j'ai voulu parler de cette maladie, c'est que il y a une idée un petit peu répandue dans la tête des gens qui est qu'on ne comprend pas le cancer, que le cancer c'est un grand mystère. Alors c'est vrai qu'on ne comprend pas tout dans le cancer, mais je pense pas qu'on puisse dire qu'on n'y comprend rien. Je pense qu'au contraire, on a assez bien cerné comment tout se passe. Donc voilà, on va commencer par parler du cancer en lui-même, puis je vais plus parler des cancérogènes. Alors on sait tous que le cancer c'est lié à des mutations de l'ADN. Je pense que ça, c'est une idée que tout le monde a. Donc, il y a des mutations de l'ADN, et les mutations de l'ADN vont induire une prolifération des cellules. La prolifération des cellules va induire la formation d'une tumeur, et la formation de la tumeur va pousser à la formation de métastases, et donc à la mort. Donc, on va pousser les choses un peu plus en détail. Donc, notre corps est organisé en organes. Donc, il y a différents organes qui vont constituer notre corps. On a par exemple le cœur, les poumons, mais aussi la peau, les muscles, qui sont des organes, ce que parfois on oublie de dire. Donc les organes, chaque organe est organisé en tissu. Alors, qu'est-ce qu'un tissu ? Un tissu, c'est un ensemble de cellules qui sont semblables et de même origine, et qui sont regroupées en ensemble fonctionnel, c'est-à-dire concourant à une même fonction. Donc, les cellules qui forment un tissu ont l'obligation de se renouveler, parce qu'en fait, les cellules ont une durée de vie limitée, enfin, la plupart du temps, et donc elles sont obligées, pour que le tissu continue à exister, hein, forcément il faut des nouvelles cellules pour renouveler celles qui meurent. Mais bon, ça c'est pas toujours le cas, parce que on a longtemps pensé que les neurones ne se renouvelaient quasiment pas, c'est-à-dire qu'on avait des neurones à la naissance et qu'à partir d'un certain âge on faisait plus qu'en perdre et qu'il n'y en avait aucun nouveau qui se formait. Et bon, en fait, on a prouvé récemment qu'il y avait encore des neurones qui se formaient dans le cerveau de l'adulte, mais ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est des neurones fonctionnels ou pas. Bon, mais bon, bref, au sein d'un tissu, il faut avoir des nouvelles cellules, donc des cellules qui se multiplient. On pourrait imaginer que toutes les cellules du tissu se multiplient pour en former, pour se régénérer, s'auto-régénérer, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y en a certaines qui se multiplient et d'autres qui se multiplient pas. Donc celles qui se multiplient, on en parle souvent, ce sont des cellules souches, et celles qui ne se multiplient pas, bah, c'est des cellules normales. Voilà. Donc on va prendre l'exemple rapidement de l'épiderme, donc la peau. La peau, c'est un organe, et donc la peau est composée, donc comme tout organe, elle est composée de plusieurs tissus. Enfin, du moins deux tissus. Donc, les tissus de la peau, c'est l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Alors, pour l'épiderme, donc le tissu le plus superficiel de la peau, comment est-ce qu'il est organisé ? Il y a plusieurs couches de cellules les unes sur les autres. Donc, les cellules les plus nombreuses dans la peau, ce sont ce qu'on appelle les kératinocytes, parce qu'ils produisent donc la kératine. Et alors, en fait, donc on a des couches les unes sur les autres. Toutes ces couches donc, qui sont superposées sur une couche la plus profonde qu'on appelle la couche basale. Et cette couche basale, elle est ancrée sur ce qu'on appelle une lame basale, qui est en fait un assemblage de protéines. Donc là, c'est plus des cellules, c'est juste une espèce de gel, plus ou moins, enfin j'en ai jamais vu, hein, mais c'est disons que c'est un assemblage de protéines sous forme de gel, quoi. Ok. Alors donc cette couche basale, donc qui est posée sur la lame basale, ce sont les cellules qui se multiplient, donc cellules souches des kératinocytes. Alors il faut bien comprendre que les cellules souches, il y a plusieurs types, hein, on en avait parlé dans l'épisode sur les cellules souches. Ça c'est des cellules souches qui sont déjà un peu différenciées, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner que des kératinocytes, hein. C'est pas des cellules souches à partir desquelles on peut reconstituer un organisme entier. D'accord, alors juste je t'interromps une seconde, on a notre ami Topo dans la chatroom, du coup on a des précisions qui arrivent au fur et à mesure. Il nous précise qu'il n'y a pas que les cellules souches qui se divisent, ouais. Mais ce sont elles qui donnent plusieurs types cellulaires. Ok, ouais. Alors pourquoi donc ces cellules qui sont posées au niveau de la lame basale se divisent, et en se divisant, donc elles forment des nouvelles cellules qui vont pousser vers le haut les anciennes cellules. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les cellules montent. Il y a un flux de cellules vers le haut, vers l'extérieur. Et pourquoi est-ce qu'en montant, donc il n'y a que les cellules du bas, donc qui sont posées sur la lame basale, qui se multiplient. Pourquoi est-ce que celles qui montent ne se multiplient plus ? Alors concrètement, c'est parce qu'elles reçoivent l'instruction de ne pas le faire. On y reviendra, mais en fait, l'instruction de se multiplier ou pas, c'est une instruction qu'elles reçoivent. Mais en fait, fonctionnellement, si on y réfléchit, pourquoi est-ce qu'elles arrêtent de se multiplier ? C'est parce qu'en fait, il faut qu'elles meurent. Si elles ne mouraient pas, elles resteraient attachées et on aurait une peau qui s'épaissirait, en fait. Donc, il faut qu'elles meurent et qu'elles se détachent, et donc qu'il y ait une épaisseur voulu en fait à la peau. Okay. Donc toute cette organisation spéciale de la peau est basée sur ce flux de cellules de bas en haut. En bas, donc il y a la lame basale, donc la couche basale, et en haut on a la couche cornée, qui sont des cellules en fait qui ont même plus de noyau, qui sont juste de la kératine. Donc voilà. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait dans l'organisation du tissu, la prolifération cellulaire, donc la multiplication des cellules et la mort cellulaire sont étroitement régulées au sein du tissu. Mais donc c'est très important, c'est très important à ce que le tissu reste fonctionnel. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est très rapidement, hein, c'est comment est régulé ces mécanismes de prolifération et de mort. Pour faire très simple, la plupart du temps, c'est un mécanisme assez simple. Bon, j'espère que ça va être assez simple. En fait, la cellule, donc, elle a une membrane plasmique, et au niveau de cette membrane, il y a ce qu'on appelle un récepteur membranaire. Et c'est donc une protéine qui est à travers la membrane, qui est attachée et qui sert à la communication avec l'extérieur. Cette protéine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recevoir une protéine qui vient de l'extérieur. Donc un messager en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un ligand. Quand le récepteur il reçoit son ligand, il va changer de forme. Jusque-là, ça va ? Ouais, jusque-là, pas de problème. Alors il change de forme, et donc à ce moment-là, quand il change de forme, tout le récepteur change de forme. Et la partie extracellulaire, donc qui est en dehors de la cellule, et la partie intracellulaire. Et quand elle change de forme, elle va acquérir une nouvelle propriété. Comme par exemple la capacité à catalyser une réaction chimique, donc à faire une réaction, c'est ce qu'on appelle une activité enzymatique. Donc c'est une des possibilités. Elle peut aussi libérer une molécule qui était attachée à elle. Donc en changement de forme, ça va libérer une molécule. Il y a plusieurs possibilités. Elle peut aussi ouvrir un canal dans la membrane. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand le récepteur qui est membranaire va lier son ligand, il va y avoir libération d'une manière ou d'une autre, il va y avoir libération à l'intérieur de la cellule d'une molécule. Donc souvent c'est une protéine, mais c'est pas forcément une protéine, mais ça va induire l'apparition dans la membrane d'une molécule. Et donc là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Cette molécule qui est libérée a elle aussi une activité enzymatique, donc elle va être elle aussi être capable de produire une molécule. Ou alors d'aller se lier à une enzyme qui va elle-même produire une molécule. Donc il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, cette nouvelle molécule va en produire une autre. Et ainsi de suite, ça va continuer comme ça sur des chaînes de signalisation qui sont assez longues. Ça s'appelle en fait une cascade de signalisation. D'accord. Donc cette cascade de signalisation, c'est plusieurs protéines qui s'activent les unes les autres comme ça, et qui font une espèce de circuit de messagers tous différents les uns des autres, qui sont spécifiques, c'est-à-dire que chaque protéine est spécifique de la suivante. Il n'y a pas de... Chaque protéine n'a que pour fonction d'activer la suivante et que celle-ci, quoi. Donc, à quoi va aboutir cette cascade de signalisation? Souvent, en fait, elle aboutit à une dernière protéine dans la chaîne qui, elle, ne se lie pas à une autre protéine, ne sert pas à fabriquer une autre protéine, mais va aller se lier à l'ADN, et va reconnaître donc des motifs sur l'ADN de par sa forme, en fait, par sa conformation. La protéine va reconnaître une partie de l'ADN, va se fixer dessus et va déclencher ou empêcher l'expression d'un gène. Donc ce genre de protéine, donc la dernière de la chaîne, c'est ce qu'on appelle un facteur de transcription. Ok. Donc comme ça, de cette manière, le simple fait que la cellule reçoive une instruction de l'extérieur, une protéine spécifique, ça peut aboutir directement, assez rapidement, au déclenchement de l'expression d'un gène ou d'un autre gène. Et le gène peut par exemple servir à tuer la cellule, la faire entrer en division, en mitose, etc. Donc ça donne des chemins assez complexes, mais en fait c'est pas très complexe, c'est juste des protéines qui se succèdent. Je mettrai en illustration dans le dossier un de ces chemins. D'accord, ouais, j'ai eu l'occasion de le voir, là, celui que tu as mis dans le dossier, la cascade de signalisation. Franchement, on dirait un modèle de flux utilisé en informatique. Ouais. C'est quand même assez compliqué. Bah, ouais. C'est vrai que ça a l'air comme ça, mais finalement, c'est que chaque chose est prise indépendamment et assez simple. Quoi. Ouais. Et justement, l'analogie avec l'informatique, pour moi, est assez pertinente. Quoi. C'est que... à quoi ça sert en fait ces espèces de chemins hyper complexes, parce qu'au final on a plein de protéines comme ça qui s'enchaînent, à quoi ça sert? Et bien en fait ça permet une espèce de calcul moléculaire, ça permet déjà ça permet l'amplification du signal, c'est-à-dire qu'on a une seule au départ on peut avoir une seule ligand qui se lie à son récepteur, et au final avec ce cheminement on peut avoir des stades d'amplification, c'est-à-dire une protéine qui va en activer des centaines d'autres. Et donc ça peut amplifier le signal. Au contraire, ça peut l'atténuer. Il peut falloir plusieurs activations pour aboutir à l'activation d'une seule protéine dans la chaîne. Et donc en fait, ça fait un véritable circuit électronique, entre guillemets, avec des transistors, des diodes, des condensateurs, des résistances. Et on peut aussi comparer ça à un réseau de neurones. Ça permet une sorte de calcul moléculaire, en fait. D'accord. Avec plusieurs entrées, plusieurs sorties, etc. Et alors qu'est-ce qui va se passer maintenant si une de ces protéines de cette voie de signalisation n'est plus fonctionnelle? Alors, dans la plupart des cas, Si une seule protéine devient plus fonctionnelle, ça ne va pas suffire à former un cancer. Hein, parce qu'on a vu que ces voies de signalisation pouvaient aboutir à la prolifération. Donc on peut se dire, si une des protéines est mutée, toute la chaîne est cassée et la cellule se multiplie indéfiniment. En fait, ça ne marche pas comme ça. Parce que y a des mécanismes de contrôle, comme c'est un circuit complexe, la cellule généralement va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche et ça ne va pas suffire à amener à un cancer. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que la cellule va probablement rentrer en apoptose. Donc l'apoptose, c'est la mort cellulaire, et va donc mourir. D'accord. Alors cette apoptose, elle peut être déterminée par la cellule en elle-même, qui va elle-même se rendre compte que ça ne va pas, mais elle peut aussi être induite par des cellules extérieures qui vont envoyer des médiateurs, enfin des ligands, qui vont être reconnus par des récepteurs, donc toujours le même système. Donc ça, c'est des récepteurs qu'on appelle les récepteurs de mort, et qui vont donc, par leur activation, faire entrer la cellule en apoptose, donc en mort cellulaire. D'accord, mais tu as dit que la cellule peut aussi décider elle-même d'entrer en apoptose, c'est-à-dire elle voit qu'il y a un truc qui ne va pas et elle se suicide en fait. Ouais, exactement, c'est très altruiste. Ouais. Bah, je reviendrai sur comment est-ce qu'elle fait pour se rendre compte que ça ne va pas, mais ouais, elle peut tout à fait. Ouais. D'accord. En fait, donc on a vu que le seul processus de prolifération n'est pas le seul impliqué dans la cancérogénèse. Il y a aussi l'apoptose, par exemple. Il faut que si la cellule n'est plus capable de mourir, ça va aussi concourir à l'apparition d'un cancer. Si au contraire, elle se tue dès qu'elle commence à muter, ça empêche l'apparition du cancer. Ouais. Une petite précision de topo dans la chatroom, donc qui précise que l'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée, à différencier de la nécrose, qui est la mort accidentelle. Ok, ouais. C'est pas les mêmes circuits, quoi. À chaque fois qu'une cellule meurt, c'est pas forcément une apoptose. Ok, ouais, tout à fait. Oui. On a donc identifié six processus, donc la prolifération, par exemple, six processus cellulaires qui doivent être altérés pour aboutir à la formation d'une tumeur maligne. D'accord. Donc, quels sont ces six processus? Je vais vous les dire et puis après, je vais les expliquer un petit peu. Donc, il y a l'indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération provenant de l'environnement. Donc, ça, c'est, par exemple, je reviendrai là-dessus. Donc, l'indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération. Deuxièmement, l'insensibilité aux signaux antiprolifératifs. Je sens qu'il faudra que tu reviennes dessus, effectivement. Résistance à l'apoptose. Donc, ça, c'est la cellule qui refuse de se suicider. Voilà, exactement. Okay. Prolifération illimitée. Donc ça, c'est la quatrième. En fait, c'est la perte de la sénescence cellulaire. La sénescence, c'est le vieillissement. Ouais, le vieillissement. Elle arrête de vieillir. Okay. Elle arrête de vieillir, exactement. Cinquième, c'est capacité à induire l'angiogénèse. Donc l'angiogénèse, c'est la formation de vaisseaux. Je vais revenir dessus. Hein. Okay. Et sixième, c'est la capacité d'invasion tissulaire et diffusion métastasique. Ok, je me réjouis beaucoup que tu reviennes sur tout ça. Ok. Ces aptitudes, en fait, elles sont à peu près consensuelles. Peut-être que certains auteurs vont en rajouter une ou deux, mais ces six-là, elles sont à peu près consensuelles. Juste pour malin bénin, parce que j'ai dit que c'était nécessaire pour les formations d'une tumeur maligne, la différence entre malin bénin, est-ce que tu as une idée, toi? Malin. Bon, enfin, je sais pas. Moi, j'associe ça au cancer, qui finit par entraîner la mort, alors que bénin, c'est pas nécessairement le cas, c'est ça? Ouais, c'est une des idées. Ouais, c'est que malin, ça peut engendrer la mort, alors que bénin, non. Après, il y a d'autres précisions comme la vitesse de prolifération des cellules, la capacité à envahir les tissus voisins, etc. Mais grosso modo, on peut dans l'idée de malignité, il y a l'idée de mort, quoi, qui peut engendrer la mort. D'accord. Je reviens sur les caractéristiques. Donc, la première, c'est l'indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération. Donc là, c'est assez simple, c'est qu'on a vu que la cellule recevait des signaux. Mm-hmm. Par exemple, si une hormone de croissance, qui était mise par le, bon là, je simplifie, l'hormone de croissance qui était mise par le cerveau va vers les muscles et se lie aux muscles en leur donnant l'ordre de grossir. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, hein, mais c'est pas grave. Et ben après, si on imagine qu'on a un cancer des muscles, donc un sarcome, on va avoir une indépendance du muscle face à cette hormone, donc il va avoir une mutation du récepteur, par exemple, qui va avoir l'impression en permanence de recevoir des hormones et qui a plus besoin de recevoir d'hormones pour grossir ou pas grossir. Donc, de même, l'indépendance aux signaux antiprolifératifs, c'est l'inverse, c'est que s'il y a des hormones qui vont, ou des protéines, etc., qui vont empêcher, qui vont avoir pour fonction normale d'empêcher la croissance de tel ou tel tissu, dans ces cas-là, si le récepteur est muté ou si une autre protéine de la voie de signalisation est mutée, les messages antiprolifératifs ne vont plus passer, ils ne vont plus marcher, quoi. Donc il faut qu'il y ait à la fois une indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération et à la fois une indépendance aux signaux antiprolifératifs. D'accord. Ok, compris cette fois. Mm-hmm. C'est-à-dire que la cellule écoute plus ce qu'on lui dit, quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a la résistance à l'apoptose. Donc là, la cellule n'est plus capable de mourir si ça ne va pas. Bon, il peut y avoir plein de choses qui ne vont pas, mais quoi qu'il arrive, elle n'est plus capable de mourir. Que ce soit parce qu'elle est en mauvais état, que ce soit parce qu'elle reçoit des signaux qui lui disent de mourir, de toute manière, elle ne meurt plus. Mm-hmm. Ensuite, il y a la prolifération illimitée, donc c'est la durée de vie illimitée en fait. Donc ça, bon, c'est peut-être, à mon avis, c'est peut-être ce qu'on connaît un petit peu le moins. Bon, là, c'est qu'un avis. C'est à propos donc les télomères qui sont ce qu'on appelle les horloges biologiques de la cellule. Normalement, les télomères diminuent au fur et à mesure des divisions cellulaires. Dans les cellules cancéreuses, ça ne diminue plus. Donc le compte à rebours, en fait, l'horloge biologique, c'est les télomères, pardon, j'ai pas dit ce que c'était, ce sont des séquences d'ADN répétitifs qui sont situées à l'extrémité des chromosomes. Mmh. Donc en fait, leur longueur diminue au fur et à mesure des divisions cellulaires, mais dans la cellule cancéreuse, ça diminue pas. Ouais, ça on en avait déjà parlé dans le dossier d'ADN sur les cellules souches, sauf erreur. Ouais. Tu te rappelles, on avait parlé aussi des cellules immortelles qui étaient cultivées en laboratoire, aucun d'entre nous se rappelait de qui c'était. Cette fois, je m'en rappelle pour une fois, c'est les fameuses cellules ELA, cellules d'Henrietta Lacks qui sont... Okay. Qui sont encore utilisées aujourd'hui. Alors attends, je vais vite regarder. Ça date des années 50. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. C'est-à-dire que depuis 50 ans, les cellules continuent à se multiplier. Mmh. Ok. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, alors ça, c'est la quatrième capacité, donc la durée de vie illimitée. Ouais, juste avant que tu passes à la suivante, je t'interromps de nouveau parce qu'on a la chance d'avoir Topo, alors je saute dessus, qui nous précise que Dolly, tu te rappelles, c'était la brebis clonée, avait des cellules avec des télomères non régénérés. Du coup, elle était vieille avant l'heure. Ah ouais, d'accord. Ok. Et ça se traduisait au niveau de son organisme. Enfin bon, bref, ouais. Je crois qu'elle est morte assez tôt finalement. Ouais, mais elle avait pas de signe extérieur de vieillesse. Je sais plus ça. Enfin, c'est une question que je me pose. Elle est juste morte jeune, quoi. Bon, elle avait peut-être une tête de petite vieille, mais c'est vrai que j'ai une brebis. C'est difficile à déterminer. Il y a une maladie comme ça où les enfants. Ouais, bon, je m'égare. Ouais, on va pas s'aventurer sans préparation. Donc, c'était la quatrième caractéristique. Exactement. Donc maintenant, la cinquième, donc durée de vie illimitée. Mmh. Cinquième, capacité à induire l'angiogénèse. Donc ça, c'est aussi très important. C'est que ce dont on s'est aperçu, c'est qu'à passer à un certain stade, donc là, avec ces quatre capacités-là, la cellule a déjà un pouvoir de prolifération qui est assez important. C'est-à-dire qu'elle est... Là, il n'y a plus grand-chose qui l'arrête, quoi. Mais avec cette cinquième capacité, elle va pouvoir passer un cap. C'est quand, en fait, on s'aperçoit qu'apparaît 1 ou 2 mm cubes de volume pour une tumeur. La taille va stagner pendant un certain temps parce que les cellules du centre, en fait, ne sont plus capables de recevoir des nutriments parce que les nutriments proviennent du sang, etc. Ils proviennent de l'extérieur de la tumeur. Et donc, en fait, ça bloque la croissance de la tumeur. Donc ce qu'il faut, c'est que la tumeur acquiert une capacité, qui a la capacité à induire la formation de vaisseaux. C'est-à-dire que les cellules tumorales vont être suffisamment organisées, entre guillemets, pour fabriquer des faux vaisseaux qui vont aller irriguer le centre de la tumeur pour qu'elle puisse continuer à croître. Donc c'est ça l'angiogénèse, et c'est essentiel, c'est-à-dire que la tumeur ne pourra pas croître si cette capacité d'angiogénèse n'est pas acquise. Voilà. Et enfin, sixième et dernière capacité, donc, c'est la capacité d'invasion tissulaire et la diffusion métastatique. Donc, ça, c'est aussi très important. Ce qui va induire le caractère mortel, quoi, de la tumeur, c'est qu'elle va, être capable de non seulement de proliférer, donc de croître en volume, mais pour croître en volume, il faut qu'elle occupe l'espace de ses voisines, des cellules normales. Et ça, normalement, dans les cellules, c'est régulé, c'est-à-dire qu'une cellule peut pas pousser les autres. il faut qu'elle elle est inhibée, il y a une inhibition au contact des autres cellules pour que les tissus soient bien organisés. Donc ça, la cellule cancéreuse, elle le perd, elle a un caractère invasif, c'est-à-dire qu'elle va au contraire s'insinuer entre les cellules et les pousser pour grossir, et elle va aussi être capable de franchir les barrières, parce qu'il y a des barrières dans le corps, et elle va aussi être capable, et donc ça, c'était pour l'invasion tissulaire, maintenant pour la diffusion métastatique, elle va être aussi capable de gagner la circulation sanguine, d'y survivre, parce que la circulation sanguine, mine de rien, c'est un milieu qui est un peu hostile, avec notamment le système immunitaire, les forces mécaniques, hein, parce qu'elle va être cognée, elle va se cogner aux autres cellules, elle va se cogner aux parois vasculaires, etc. Donc elle va être capable de diffuser dans le sang, d'aller se nicher à un autre endroit, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau d'une cellule, pour se poser, c'est pas facile, il faut qu'elle ait des récepteurs pour s'accrocher à un autre endroit. Et donc voilà. Donc elle va avoir ses capacités d'envahir les tissus voisins et de diffuser dans le sang pour aller s'accrocher ailleurs et former des nouvelles tumeurs. Voilà donc les 6 capacités de la cellule tumorale maligne. Ouais, donc c'est pas l'une ou l'autre qui est active. On observe vraiment les 6 phénomènes pour qu'on puisse dire qu'il y a cancer. Non, il n'y a pas encore cancer, quoi. Il y a cancer. Il y a cancer, Je ne sais pas si la définition de cancer, bon, c'était peut-être le truc à regarder dans ce dossier. Je ne sais pas si la définition de cancer, c'est la malignité. S'il faut que ça soit nécessairement malin pour qu'il y ait un cancer, mais je crois que oui. Hein. Donc oui, effectivement, dans ces cas-là, ça serait les 6 capacités nécessaires pour qu'il y ait un cancer. D'accord. Si on n'a pas la malignité, on n'a pas de cancer. Donc maintenant qu'on a vu donc, les différences fondamentales entre la cellule cancéreuse et la cellule normale, entre parenthèses, oui, l'étymologie de cancer, j'avais regardé, je trouvais ça pas terrible. Ça vient du carcinos, l'écrevisse en grec. Et c'est parce que en fait, sur la cellule cancéreuse, il y a les veines. Sur la tumeur cancéreuse, on voit les veines latérales. Comme dans les écrevisses, les pattes sont sur le côté. Donc je trouvais ça pas terrible comme étymologie. Donc si quelqu'un a une autre étymologie, ça m'intéresse. Ouais, mais c'est pour ça qu'on on l'appelle le crabe aussi, non ? Oui, le crabe cancri en latin. Ouais. Et puis, puisqu'on parle d'étymologie, puisque je t'interromps tout le temps pour indiquer ce qui se passe dans la chatroom, je ne t'ai pas interrompu tout à l'heure, c'était Topo, justement, qui allait faire un petit look-up de l'étymologie de malin. Ouais. Ça vient du diable, en fait, le malin. Donc, une tumeur maligne, c'est une référence directe au diable. Au diable, d'accord. Ouais. Ça remonte au 12e siècle. Ouais, bah ouais, c'est carrément ça. Enfin, ça m'étonne pas, quoi. Y a une dimension morale presque dans ce mot, en fait. Ouais, c'est vachement intéressant. Et puis, je pense que ça explique aussi pas mal de cette dimension anxiogène que tu évoquais au début. Il y a quelque chose de diabolique dans notre perception de cette maladie. Je pense que c'est pour ça que ça fait si peur. Ouais, et qu'il n'y a pas dans les autres maladies, ouais, tout à fait. Ok, donc voilà, donc ça c'est les différences entre la cellule et la cellule cancéreuse. Donc maintenant on va voir comment la cellule cancéreuse acquiert ses aptitudes, ses capacités, ses caractéristiques. Alors donc, les cellules ont un génome, on est d'accord. Ouais. Le génome des cellules permet de coder ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire ce qui est exprimé, c'est-à-dire les protéines, c'est-à-dire l'aspect de la cellule, quoi, les capacités de la cellule. Donc le génome de la cellule est très important. L'idée qu'on a un petit peu, c'est que le génome, c'est quelque chose de très fermé, de très bien gardé. C'est un peu une idée erronée, je trouve, parce qu'en fait, c'est loin d'être un havre de paix, finalement, notre génome. En permanence, il y a des mutations. En permanence, donc il y a des erreurs. Déjà, quand le génome est synthétisé, il y a plein d'erreurs qui sont faites et qui sont réparées sur le coup. Mais même une fois que c'est synthétisé, l'entretien du génome est difficile parce qu'en permanence, il y a des tonnes et des tonnes de mutations qui interviennent. Par exemple, par heure, on estime que dans une seule cellule, il y a 5000 coupures de l'ADN. Donc l'ADN se coupe en simple brin, parce que c'est double brin. Donc là, c'est des coupures d'un seul des brins. Donc 5000 par heure. Il y a 1000 dépurinations, ce qu'on appelle dépurination. En fait, c'est une rupture du lien entre une des bases et le sucre auquel elle est rattachée. C'est-à-dire une des bases de l'ADN qui s'en va, quoi. D'accord. Il y a 55 dépyrimidations, donc ça c'est pareil, mais avec un autre type de base. Il y a 3500 méthylations, enfin il y a méthylation, donc c'est une altération chimique de l'ADN. En fait, l'ADN, il est en permanence, même dans les situations normales, il est en permanence soumis à une dégradation. Ah ouais, mais ça, c'est un véritable champ de bataille, c'est complètement dingue, ça. Exactement. T'as dit 5000 coupures à l'heure. Ouais, d'accord, 5000 coupures à l'heure. D'accord, ça veut dire 83 à la minute. Ouais. Ça veut dire plus d'une coupure par seconde. Ouais. C'est hallucinant. Et ça, dans chacune de nos cellules. Dans chaque cellule. Mais après, c'est à rapporter aux milliards de bases de l'ADN. Hein. Donc, c'est vrai que finalement... Bon, c'est à pondérer aussi, mais c'est vrai que c'est pas du tout statique, quoi. Ouais, moi je comprends qu'on soit fatigué à la fin de la journée. Bah exactement. Et c'est tout à fait physiologique, hein. Et ces valeurs-là, donc, elles vont considérablement augmenter en cas d'exposition à un mutagène. Par exemple, on va au soleil, et là, ça y est, c'est les chiffres que je viens de donner, là, ils explosent. Mmh. Donc, à ces fréquences que je viens de donner, il est largement admis que la cellule est tout à fait capable de réparer son ADN. Donc, la cellule, en permanence, elle travaille à l'entretien, à la réparation de l'ADN. Parce que, bien sûr, elle ne peut pas laisser l'ADN se casser. Hein. Sinon, tout foutrait le camp. Ouais. Donc, un des mécanismes de réparation, par exemple, pour voir un peu comment ça marche, c'est le mécanisme de l'excision-resynthèse, ce qu'on appelle l'excision-resynthèse. Tout simplement, c'est une molécule qui patrouille le long de l'ADN. Elle détecte des anomalies dans l'appareillement des bases. Donc, les bases, elles doivent s'appareiller A avec T, G avec C. Si s'il y a une erreur, s'il y a par exemple A avec G, bon, et ben là, cette molécule-là, elle va le détecter. Et comment est-ce qu'elle le détecte ? En fait, elle le détecte parce qu'elle a une forme très précise et que l'ADN aussi a une forme très précise. Et si la forme de l'ADN n'est pas la bonne forme, la protéine va être gênée, elle va le détecter et elle va intervenir. Et comment elle intervient ? Elle coupe l'ADN, elle enlève le bout qui est mauvais, elle va couper large, hein, elle va pas détecter spécifiquement la base, mais elle coupe large, quoi. Et ensuite, bah, bon, après, elle fait venir une ADN polymérase qui va venir et qui va resynthétiser le brin. Donc tout simplement. Ensuite, il y a plein d'autres mécanismes de réparation qui sont spécifiques aux différents types d'altérations qui sont possibles. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, il y a des sondes, ce qu'on appelle des sondes, qui sont des protéines qui sont spécifiquement faites pour détecter les anomalies de l'ADN. En fait, chaque anomalie spécifique va avoir sa sonde, et la sonde, elle va patrouiller comme ça dans le noyau, et quand elle rentre en contact avec une partie de l'ADN qui est altérée spécifiquement comme elle le reconnaît, hop, elle va se fixer dessus, et en se fixant dessus, bah, elle va attirer une protéine qui va réparer le problème. Donc il y a tout un mécanisme de réparation de l'ADN qui va faire que on peut entretenir notre génome malgré toutes ces altérations qu'il subit. Et c'est intéressant de souligner, je trouve, parce que c'est souvent comme ça en biologie, à n'importe quelle échelle, c'est que tous les équilibres dont on a l'impression qu'ils sont statiques, sont jamais statiques en fait, et sont juste un équilibre entre deux flux inverses. C'est-à-dire, par exemple, on prend la population de l'Allemagne, c'est, je sais plus, 80 millions d'habitants. Bon, ça reste, ça stagne. Mais en fait, en permanence, il y a des gens qui meurent, des gens qui naissent. Et ben, à tous les échelons, c'est pareil. C'est-à-dire que là, pour l'ADN, on a l'impression que l'information génétique est stable, mais en fait, à tout moment, il y a de l'ADN qui est réparé, de l'ADN qui est dégradé. La cellule, elle contient telle concentration de sodium. À tout moment, en fait, il y a du sodium qui sort et il y en a autant qui rentre. C'est toujours comme ça, en fait. C'est toujours dynamique. C'est des équilibres qui sont toujours dynamiques. Donc voilà pour ce point-là. Donc c'était pour la réparation de l'ADN. Et il y a un autre truc qui est encore plus fort, c'est que non seulement la cellule est capable de réparer son ADN, mais elle est aussi capable de contrôler donc si son ADN est en bon état ou pas. Donc là, c'est comment ça marche, ça ? Il y a plein de mécanismes, hein, mais il y en a un qu'il faut souligner parce qu'il est super important, c'est le mécanisme qui est lié à la protéine P53. Ok. Cette protéine P53, donc je vais en parler un peu parce que donc c'est la protéine qui va contrôler, entre autres, hein, qui va contrôler si le génome est en bon état ou pas. Et en plus, elle est particulièrement importante, c'est parce qu'elle est retrouvée mutée dans plus de la moitié des cancers, quel qu'il soit, de quel endroit du corps qu'il soit, dans plus de la moitié des cancers, il y a P53 qui est cassé, quoi, qui marche plus. Donc c'est important, je pense, d'avoir une petite idée de ce que c'est. Ok, donc la protéine P53, elle est émise par un gène particulier. Ouais, elle a son gène, qui est le gène de P53. D'accord, ok. Je crois, hein. J'ai pas son nom en tête là, mais je pense que c'est le gène de P53. Donc, alors, comment est-ce qu'elle fonctionne ? Il y a plusieurs modes de fonctionnement, mais c'est assez simple à comprendre. Par exemple, quand une sonde... En fait, P53, elle va être de manière générale, elle est présente dans la cellule. Et comment elle est présente ? Elle est présente sous forme liée à une sonde. une sonde dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc P53 est liée sous la sonde, on va dire que quand elle est liée à la sonde, elle est inefficace. Maintenant, imaginons que les dommages à l'ADN augmentent. Donc comme les dommages à l'ADN augmentent, les sondes qui sont produites vont se retrouver liées à l'ADN, on est d'accord. Mmh. Et comme les sondes sont liées à l'ADN, elles ne sont plus disponibles pour être liées à P53. Et donc P53 va se retrouver toute seule, elle va plus être liée. Et ça va suffire donc à faire que P53, étant toute seule, elle va pouvoir agir pour dire « Attention, là je suis toute seule, ça va pas, il sait que ça va pas. » Donc ça, c'est un des mécanismes par lesquels P53 va s'assurer que le génome est en bon état. Mmh, d'accord. Il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, ce qu'il y a encore une fois, c'est qu'il y a un contrôle un peu algorithmique. Selon les taux de différentes sondes, etc., P53 va dire oui ou non, tout va bien, ça va pas bien. C'est-à-dire que c'est un signal un peu binaire, quoi. Ouais, d'accord. On a là aussi une petite précision de la part de Topo. Pour donner un indice de l'importance de P53, il y a eu 59 722 articles publiés sur P53 à ce jour. C'est hallucinant. Ouais, c'est assez hallucinant. Voilà. Ouais, donc pour dire que c'est vraiment important, c'est vrai. Ok. Donc maintenant, on va imaginer que P53 soit muté, ce qui est souvent le cas. Mmh. Alors, on est dans une cellule eucaryote, un noyau, cellule qui possède un noyau. Donc on se rappelle qu'on a toujours le génome est en double. Donc pour que P53 soit muté, il faut que les deux gènes mutent déjà. Donc ça, c'est déjà un truc qui nous protège. Mais bon, imaginons que P53 soit quand même muté. Est-ce qu'on va développer un cancer directement ? Non, on ne va pas développer un cancer immédiatement, mais il va se passer quelque chose, c'est ce qu'on appelle, on a rentré dans une phase d'initiation tumorale. Donc ça, c'est super important. En fait, dans le développement du cancer, il y a trois phases, généralement reconnues, l'initiation, la promotion et la progression. Initiation, promotion, progression. Okay. Donc quand P53 est muté, ça va suffire, on va rentrer là, on est déjà dans un processus cancéreux, on est dans l'initiation. Une seule mutation va suffire, enfin deux en l'occurrence, parce qu'il faut que les deux gènes soient mutés. Quand est-ce que les cellules sont dites initiées ? En fait, il faut qu'elles aient perdu un gène suppresseur de tumeur. Donc là, comme c'est le cas dans P53, ce qu'on appelle le gène de P53, c'est un gène suppresseur de tumeur, parce que P53, c'est la garante du génome. Ouais. Si elle est là, il ne peut pas y avoir de tumeur. Bon, mm-hmm. C'est faux, parce que... Ouais, si elle est là et qu'elle fait son boulot, quoi. Voilà, exactement. Donc si la cellule perd un gène suppresseur de tumeur, elle est initiée. Elle peut aussi acquérir un oncogène. Ce qu'on appelle un oncogène, c'est un gène qui va la mettre sur la voie du cancer, qui va provoquer un cancer. Par exemple, un gène qui va la faire produire une protéine de prolifération, etc. Bon, il y a plein de possibilités. Mais la différence entre un gène suppresseur de tumeur et un oncogène, c'est de la génétique, c'est qu'en fait, un gène de suppresseur de tumeur comme P53, il faut perdre les deux pour que ça soit effectif. Mmh. Il suffit qu'on ait un gène qui marche, un allèle qui fonctionne de P53, et on aura une P53 qui fonctionne et on sera protégé. Tandis qu'un oncogène, il suffit qu'on en ait un seul qui soit apparu, pour que la protéine soit produite et donc qu'elle exerce son effet. D'accord. Donc il y a plus de probabilité pour les oncogènes que pour les gènes suppresseurs de tumeurs. Ouais, ok. On dit que dans les gènes suppresseurs, c'est une perte de fonction et les oncogènes, c'est une acquisition de fonction. Donc voilà. Alors, donc là, on a passé le stade d'initiation. On va avoir des cellules initiées qui sont au sein du tissu, qui sont au contact de cellules normales. Ces cellules initiées, elles sont encore fonctionnelles, elles ont toujours tous leurs autres mécanismes fonctionnent. Mais cependant, elles ont une mutation importante qui va les engager sur la voie du cancer. La phase suivante, c'est la voie de la promotion. Et la phase de la promotion, c'est une phase pendant laquelle, en fait, il y a un équilibre entre l'apoptose des cellules et leur mort naturelle et leur multiplication. Donc il n'y a pas de tumeur, en fait, le nombre de cellules est en équilibre. Mais pourtant, les cellules évoluent, sont en cours d'évolution, peut-être pas d'évolution au sens darwinien du terme, mais il y a une évolution progressive du génome des cellules, parce que le génome n'est plus protégé, ou alors il est déstabilisé par un élément donc, qui a eu lieu à l'initiation. Et en fait, il va y avoir une sorte de sélection naturelle, progressivement, des cellules, des cellules qui étaient normales à la base, avec juste un élément perturbateur, comme par exemple la perte de P53, donc qui va empêcher que la cellule meure si son génome est altéré. Et donc, à partir de là, la cellule va pouvoir développer des mutations et progresser vers un stade plus agressif, plus malin. Et donc, cette phase de promotion, elle peut durer très longtemps. C'est la phase qui est la plus longue dans les trois phases, c'est la promotion. Elle peut durer 10 à 20 ans. En fait, il va falloir que les cellules qui étaient normales à la base évoluent vers un stade agressif où on va avoir des manifestations cliniques, où on va détecter qu'elles sont là. Mais là, pour l'instant, elles sont discrètes, on ne les voit pas, elles sont encore en équilibre avec les morts et les multiplications, et elles évoluent silencieusement. Pourquoi est-ce que la sélection naturelle intervient dans ce processus ? Parce qu'en fait, forcément, les cellules, si elles gagnent un avantage sélectif, si elles se multiplient plus, bon bah là, c'est la loi de la sélection naturelle, elles vont augmenter leur proportion au sein du tissu. Mmh. Et donc, forcément, on se dirige vers la sélection des cellules qui se multiplient le plus. Donc voilà comment le cancer va apparaître. Ensuite, la dernière phase, c'est la phase de progression. Là, cette fois, l'équilibre entre prolifération et mort cellulaire est rompu. Et les cellules vont exploser, le nombre de cellules va exploser, les tissus voisins sont envahis, et on se dirige vers un cancer malin. D'accord. Enfin, tumeur maligne. Ok, donc la progression, ça va assez vite en fait. C'est la phase de promotion qui est extrêmement longue. Ouais. Ok. On a une précision de Topo dans la chatroom qui nous dit qu'à partir du moment où il y a mutation, sélection et reproduction, on est bel et bien dans le cadre de l'évolution darwinienne. Bon. Bah, pour moi, alors ça pète un peu toutes mes idées reçues. Je pensais que l'évolution darwinienne, enfin le principe de la sélection naturelle consistait justement à favoriser les organismes les mieux adaptés à leur environnement. Mais là, c'est précisément le contraire. Enfin non, c'est pas vrai finalement, parce que ça marche aussi pour les virus. C'est vrai que l'évolution, elle est aveugle, elle sait pas où elle va, elle sait pas que ça va mal finir, quoi. C'est juste le mécanisme. Oui, c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu ce que les idées du gène égoïste, c'est qu'en fait, l'évolution, elle favorise, ce qui a le plus de chances d'être là à la prochaine génération. C'est vrai que dans le cas de la cellule cancéreuse, on est dans un mécanisme où c'est pas le plus adapté à l'environnement, mais en fait, on revient à l'environnement cellulaire, quoi. Donc voilà. Donc on a cette phase de progression où les cellules vont devenir malignes. En fait, pourquoi c'est aussi long ? Parce que les probabilités... Donc là, pendant la phase de promotion, il faut que la cellule acquiert les 6 capacités dont j'ai parlé tout à l'heure. Mmh. Et les probabilités pour que ces mutations, ces gènes précis mutent, elles sont en réalité assez faibles. Pour ça, il y a des équations, j'en ai pas parlé, mais finalement, les probabilités sont très faibles. Et c'est pour ça, parce qu'il y a des mécanismes de réparation, etc. Et c'est pour ça, donc, que ça prend du temps. Mais en fait là le temps joue contre nous, c'est-à-dire plus le temps passe, plus les chances que ces mutations apparaissent augmentent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on est toujours dans des phases où on peut renverser le processus. C'est-à-dire que les cellules peuvent mourir avec de la chance, toutes les cellules qui étaient initiées meurent ou réparent leur ADN et on revient vers des cellules qui sont normales. Et donc dans ces cas-là, on a évité l'apparition d'un cancer. Voilà. Donc ça c'est pour comment on va atteindre le génome cancéreux. Donc maintenant on va parler de la dernière partie donc de ce dossier, c'est sur les cancérogènes. Et là je pense que c'est un petit peu ce qui va être le plus intéressant en général quoi, parce que finalement nous ce qui nous concerne c'est pas les cellules comment elles fonctionnent, c'est vraiment les cancérogènes. Donc on a vu les bases génétiques du cancer, les bases cellulaires. Mmh. Et donc on va voir maintenant qu'est-ce qui va déclencher ces cancers donc. Donc a priori, si on y réfléchit, ce qu'il faut obtenir, c'est des mutations de l'ADN. Pour avoir un cancérogène, il faut quelque chose qui fasse muter l'ADN. Donc ce qu'on va regarder dans un premier temps, pour chercher si une substance donnée ou un agent donné, hein, ça peut être physique, hein, ça peut être les rayonnements ionisants par exemple, ça peut être une molécule chimique, mais ce qu'on va regarder en premier, c'est si cette molécule induit des dommages à l'ADN. Donc ça, coup de bol, ça coûte pas cher, c'est assez facile à détecter. Il y a beaucoup de tests différents. Le plus connu, entre guillemets, c'est le test d'Ames, qui est en fait c'est un test où on va servir de bactéries, parce que les bactéries, c'est pas cher, c'est facile à cultiver, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend des bactéries, on les met au contact d'une substance, et on observe ou non, donc si la substance est génotoxique ou pas. Oui, donc génotoxique, c'est qui va déclencher des modifications du génome. Hein. D'accord. Donc on va observer si la substance est génotoxique ou pas. Comment on va observer ça ? En fait, s'il y a apparition de mutants. Comment est-ce qu'on va observer s'il y a apparition de mutants ? En fait, on soumet les bactéries à des contraintes nutritives, c'est-à-dire qu'on leur donne par exemple un seul type de sucre, enfin en l'occurrence c'est un acide aminé, et si les bactéries mutent, elles vont devenir autonomes, elles ne vont plus avoir besoin de cet acide aminé. Donc en fait, si elles mutent, elles vont devenir capables de se développer là où il n'y a pas l'acide aminé. Et donc on va le voir très vite sur les cultures, elles vont être capables de s'étendre n'importe où. Donc en fait, en regardant si elles mutent ou pas, on va dire si la substance à laquelle on les a exposées est génotoxique ou pas. Okay. La mutation sera rapidement sélectionnée parce qu'elle confère forcément un avantage sélectif aux bactéries. Elles n'auront plus besoin de la substance à laquelle on les restreint, pardon. Et donc on va directement voir s'il y a une mutation. Mais bon, le problème de ces tests, c'est que le modèle bactérien est un peu éloigné des cellules humaines. Et c'est pas toujours, ça peut être génotoxique pour les bactéries, ça peut ne pas être génotoxique pour les cellules humaines. Ensuite, il y a d'autres problèmes, c'est que finalement, dans notre corps, les substances qu'on ingère ou qu'on absorbe d'une manière ou d'une autre, elles sont modifiées. Donc là, encore une fois, on n'aura pas les modifications qui seront testées. Donc il y a des biais, on va pouvoir refaire le même test, mais avec des cellules humaines ou avec des cellules de mammifères. On va pouvoir introduire des bouts de foie, des morceaux de foie pour que le foie fasse son travail et fasse des modifications comme s'il était dans le corps, pour qu'on ait le test aussi des molécules modifiées, etc. Mais finalement, comme c'est souvent le cas en médecine, quel que soit le modèle qu'on prend, on aboutit toujours à des modèles imparfaits et rien ne remplace en fait l'expérience en situation concrète, quoi, en situation réelle. Et donc c'est le problème, c'est un des problèmes de ces tests de génotoxicité. Un autre problème, et qui pour moi qui est encore plus important, c'est que la génotoxicité n'est pas suffisante pour affirmer la cancérogénicité. En fait, un cancérogène peut ne pas être génotoxique, et un génotoxique peut ne pas être cancérogène. Donc là, c'est un petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus difficile à comprendre. Comment c'est possible en fait ? Il y a des exemples, hein, par exemple la dieldrine, qui est un insecticide qui est interdit en France. Il a été reconnu comme cancérigène, de manière certaine au moins chez le rat, chez le rongeur. Mais il n'est pas génotoxique, c'est-à-dire que si on lui fait le test d'Ames sur des bactéries, il ne va pas y avoir de mutation au niveau des bactéries. Le safrole aussi, qui est qui est extrait d'une huile essentielle de plante, n'est pas génotoxique, alors que pourtant il est cancérigène. Alors dans le cas du safrole, pourquoi est-ce qu'il n'est pas génotoxique ? Parce qu'en fait il est cancérigène mais sous forme métabolisée, donc il doit être ingéré dans le corps et modifié pour devenir génotoxique. D'accord. Donc en fait le safrole c'est un faux exemple. Ouais. Donc l'effet est indirect en fait, c'est ça, il est pas directement génotoxique, il provoque un truc qui lui est génotoxique. Mais safrole, donc ça c'est en On a des petites coupures là. Désolé à tout le monde. Donc j'en étais à dire que les génotoxiques ne sont pas forcément cancérogènes et les cancérogènes ne sont pas forcément génotoxiques. Mmh. Pourquoi en fait ? Pour le comprendre en fait, il faut dire qu'il y a deux catégories de cancérogènes. Tout à l'heure on a parlé de cellules qui étaient initiées. Celles qui avaient perdu un gène suppresseur de tumeur ou qui avaient gagné un oncogène, comme P53 qui est un gène suppresseur de tumeur. Donc en fait, pour initier une cellule, il faut nécessairement que un gène soit altéré. Okay. Donc il faut nécessairement un génotoxique. Ce génotoxique, il va induire une mutation. Cette mutation, elle va toucher un gène important, comme donc un gène suppresseur de tumeur ou un oncogène. Mais qui dit mutation dit génotoxique. On est bien d'accord. Mais alors, une fois que cette mutation est induite, on va voir qu'on va rentrer en phase de promotion. Donc la phase d'initiation, puis la phase de promotion et la phase de progression. Mmh. Donc en phase de promotion, cette phase qui peut être très longue, ce qu'on a vu, c'est que les cellules initiées vont être sélectionnées au sein du tissu par leur pouvoir cancérogène. Et en fait, pendant cette phase de promotion, qui n'est possible que parce que les cellules ont été initiées et donc ont perdu un gène, ou ont gagné un gène oncogène, il n'y a plus question de nouvelles mutations qui sont induites par un agent extérieur, mais il est question de sélection naturelle. Alors bien sûr, la phase de promotion, elle ne peut avoir lieu qu'après une activation des cellules, donc après une initiation. Mais pendant la phase de promotion en elle-même, il n'y a plus besoin d'induire de nouvelles mutations. Les cellules, en fait, vont muter toutes seules, très lentement certes, mais elles vont muter toutes seules et continuer sur la voie de la cancérogénèse. Ouais, et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que pendant cette phase de promotion, on va avoir on peut avoir des cancérogènes, mais ils ne seront pas nécessairement génotoxiques. Et donc on appelle ce type de cancérogène, on les appelle des promoteurs. Et alors que les génotoxiques en eux-mêmes, on va les appeler des initiateurs. Et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre dans la cancérogenèse parce que ça rend tout un peu compliqué. Parce que le mode d'action des promoteurs, il peut être très varié et on ne les comprend pas du tout tous. Et c'est ça qui est un petit peu flou dans le cancer. C'est-à-dire qu'une substance peut ne pas être génotoxique mais être quand même cancérogène et on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Donc les promoteurs peuvent augmenter la prolifération cellulaire, tout simplement. Donc ça, c'est l'exemple de l'huile de croton. C'est une huile que j'ai trouvée, enfin, pour trouver un exemple. C'est un produit qui n'est pas génotoxique, mais qui va augmenter la prolifération des cellules dans un tissu donné, et qui va, donc, en augmentant la prolifération des cellules, elle va, entre guillemets, accélérer la sélection naturelle, elle va accélérer la phase de promotion, les cellules vont se multiplier plus vite, elles vont donc évoluer plus vite vers la voie de la sélection des cellules cancéreuses, enfin, du pouvoir malin le plus important, et donc vont accélérer la phase de promotion. Et ça va diminuer donc la période de latence entre l'initiation des cellules sous l'action d'un génotoxique et la progression vers la tumeur maligne. Donc elles peuvent, donc ces promoteurs-là qui vont augmenter la prolifération cellulaire, ils peuvent aussi agir, par exemple, comme un immunosuppresseur. Ils vont empêcher le système immunitaire de reconnaître les cellules cancéreuses, bon, parce qu'il y a des mécanismes de destruction des cellules cancéreuses par l'immunité. J'ai pas eu le temps de les aborder, mais on peut jouer là-dessus aussi, c'est-à-dire que sans être génotoxique, ils vont empêcher les cellules immunitaires de jouer son rôle et donc ils vont favoriser l'apparition du cancer. On peut avoir des effets hormonaux, par exemple les œstrogènes. Georges X-Mackey qui nous avait parlé, je crois que c'était la semaine dernière, de l'effet cancérogène de la pilule. Mm-hmm. Donc la pilule, c'est quoi? C'est des œstrogènes. Et les œstrogènes sont effectivement cancérogènes, mais ils n'ont pas un effet génotoxique. Ils vont pas aller modifier le génome, mais ils vont par exemple, augmenter la prolifération cellulaire ou avoir d'autres actions cellulaires. Okay. Et à propos de la pilule, juste pour revenir, j'avais entendu ça, il faut bien dire que la pilule augmente les cancers, notamment du sein, mais elle diminue l'incidence d'autres cancers. Hein. Donc la pilule n'est pas un horrible poison que l'industrie pharmaceutique vend. Hein. C'est quelque chose dont le bénéfice-risque est positif. D'accord. Voilà, même si c'est cancérigène. Effectivement, ça augmente de manière très nette le cancer du sein. Mais ça diminue le cancer du col de l'utérus et le cancer des ovaires, entre autres. Effets bénéfiques. Donc voilà pour les effets des promoteurs. Donc, quelques exemples de promoteurs. La dioxine, dont on parle, qui est présente dans les graisses. L'huile de croton, les œstrogènes, le phénol, le phénobarbital, etc. Cette distinction donc entre un initiateur qui est génotoxique et le promoteur qui n'est pas génotoxique, faut bien voir qu'elle est surtout théorique. Hein. Souvent, les substances sont un peu initiateurs, un peu promoteurs. Mm-hmm. Par exemple, le benzopyrène de la cigarette, il est à la fois génotoxique, à la fois promoteur. Et pour finir sur cette notion, cette distinction est quand même intéressante parce qu'elle permet de faire des... Il y a des propriétés différentes pour chaque type de cancérogène. Les initiateurs, on va considérer qu'ils ont un effet sans seuil, c'est-à-dire que quelle que soit la dose, ils sont génotoxiques et donc ils ont un effet cancérogène. On va considérer que donc ces initiateurs qui sont génotoxiques, ils vont pouvoir agir en une exposition unique, c'est-à-dire par exemple les ouvriers qui vont à Fukushima pour tenter de fermer le réacteur, ils vont subir une radiation. La radiation va être génotoxique et cette exposition unique, elle va suffire à augmenter considérablement le risque de cancer. Donc on voit qu'une exposition unique suffit. Alors qu'un promoteur, c'est l'inverse. Le promoteur, si on s'expose une seule fois au promoteur, ça n'a aucun effet. Ce qu'il faut, c'est une exposition longue et répétée pour que c'est une action durable sur la phase de promotion. Et de même, on considère que les promoteurs ont une action à seuil. C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil, le promoteur va être inefficace, insuffisant pour avoir son effet cancérogène, comme c'est un effet, parce qu'on va avoir des mécanismes de compensation pharmacocinétiques ou pharmacologiques. Enfin bon, ça c'est un peu technique, mais enfin ce que je veux dire, c'est que c'est souvent le cas en fait. Par exemple, quand on prend un médicament, en dessous d'une certaine dose, on n'a pas d'effet. Donc là, les promoteurs, c'est pareil. En dessous d'une certaine dose, on considère qu'il n'y a pas d'effet. D'accord. Donc voilà pour finir sur cette notion d'initiateur et de promoteur. Donc là, je vois que le temps, j'arrive un petit peu au bout du temps. Peut-être que je m'arrête et je laisse la fin du podcast sur les différents types de... je sais pas ce que t'en penses. Les différents types d'études pour déterminer les cancérogènes. Bon, j'ai pas non plus trop approfondi. Je pense que ça suffira si je le mets en ligne avec le dossier. D'accord. C'était quelques données statistiques en France que t'as mis à la fin du dossier, c'est ça? D'accord. Ouais, il y avait ça. Et aussi les différents types d'études, les études sur l'animal, etc. Oui, non, mais c'est surtout les données statistiques, quoi. Ok, ah oui, parce qu'évidemment, du coup, toi, t'as plus rien sous les yeux, t'as plus Internet, là. Si, heureusement, j'ai tout gardé. Ah, d'accord. Mais je Ok. peux finir, hein, tu veux que je finisse? Ouais, vas-y, vas-y. Ok, bon, alors je termine, parce que là, je vois que ça fait 1 heure. Alors, qu'est-ce qui nous reste donc pour déterminer? Donc là, on a vu que la génotoxicité n'était pas suffisante pour déterminer si c'était cancérogène ou pas, puisque les cancérogènes ne sont pas tous génotoxiques. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste, un, l'expérimentation à l'animal, et deux, les études épidémiologiques. Donc, l'expérimentation animale, bon, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on fait? On inocule les substances au rat ou à la souris, et on observe ou non l'apparition de cancer. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de minimiser les doses ramenées au poids et les voies d'inoculation, c'est-à-dire si c'est un toxique pour lequel qu'on va respirer, on va le faire respirer, si, voilà, etc. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de reproduire l'exposition humaine à l'animal et observer si on a des cancers qui développent. Mais ce modèle-là est très imparfait. Les biotransformations, c'est-à-dire les modifications des composés à l'intérieur du corps ne sont pas les mêmes. Et même des fois, les résultats, même si c'était les mêmes transformations des composés, on aurait des substances qui seraient cancérigènes chez l'animal et qui ne le seraient pas chez l'homme, et inversement. Donc finalement, c'est pas non plus parfait. Le seul, finalement, le meilleur moyen dont on dispose pour déterminer si une substance est cancérogène, c'est les études épidémiologiques. C'est le meilleur moyen parce que bien sûr c'est sur l'homme et bien sûr c'est en conditions réelles. Mais le problème des études épidémiologiques, c'est qu'évidemment elles sont très longues et très coûteuses à réaliser, puisque comme on est en conditions réelles, on doit on doit utiliser les mêmes délais de latence que ceux du cancer, donc plus d'une dizaine d'années, quoi. Enfin plusieurs années, au moins plusieurs années, et souvent plus de 10 ans. En plus, il y a des contraintes méthodologiques importantes. Il faut qu'il existe une population qui soit naturellement, enfin, qui soit déjà exposée à la substance que l'on souhaite étudier. Donc, ce qui implique que la substance soit pas interdite d'emblée. Donc, on peut étudier que certaines substances. Parce que évidemment, on peut pas exposer sciemment les personnes à des substances dont on soupçonne qu'elles sont cancérigènes et que, ce serait pas éthique, quoi, bien sûr. Et en plus, même quand on a éventuellement mis en évidence, après 10 années d'études, qu'il y a dans une certaine population exposée à un risque de cancer accru par rapport à une population témoin qui serait, elle, pas exposée, il faut que l'imputabilité, en fait, du risque cancérigène à la substance étudiée est pas toujours évidente, parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui varient entre les deux populations, etc. Donc même dans le cas où quand on dispose d'une étude parfaite sur une substance donnée entre deux populations, même dans ces cas-là, on peut avoir des doutes encore sur la cancérogénicité ou pas. Donc voilà pour les moyens d'étude des cancérogènes. Ok. Donc maintenant, oui, quelques données statistiques rapidement. Les principaux cancérogènes, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est le tabac, bien sûr. 50 000 morts en France, 50 000 morts dus au tabac par le cancer. L'alcool, l'alcool qui augmente le risque de cancer de la bouche et le cancer du larynx. Le troisième, c'est les agents infectieux. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est les virus de l'hépatite. Donc, ça s'attrape par relation sexuelle ou par échange de seringues. Donc, l'hépatite B, l'hépatite C. Le virus papillomavirus. Donc, qui s'attrape aussi par voie sexuelle, mais là, ça concerne les femmes. Ensuite, on a l'obésité. Donc, l'obésité qui augmente, et le surpoids, qui augmente le cancer de l'œsophage, du rein et du corps utérin. Donc là, c'est le quatrième. Ensuite, on a la sédentarité qui augmente les cancers du côlon et du sein, les UV qui créent des mélanomes, les traitements hormonaux, donc les cancers du sein, et ensuite, donc on a les cancers professionnels qui font des cancers du poumon principalement, avec l'amiante, l'hydrocarbure et les goudrons. Et ensuite, il y en a un dont on parle pas, c'est les facteurs de reproduction. En fait, c'est pour les femmes, le fait d'avoir un enfant assez jeune ou d'avoir beaucoup d'enfants, ça protège contre les cancers du sein, de l'ovaire. Et ça, c'est un des 10 premiers cancérigènes. Donc je trouve ça marrant qu'on n'en parle pas. Les facteurs de reproduction, on estime que ça représente quand même 2260 morts par an. C'est-à-dire que si les femmes faisaient toutes 2 enfants avant 30 ans, dont le premier avant 20 ans par exemple, il y aurait 2260 morts de moins. Et les polluants qui sont estimés, donc ça c'est à partir d'un rapport de l'Académie de médecine, les polluants qui sont estimés donc à 212 morts par an. Donc c'est pas grand chose au regard effectivement des autres causes de cancérigènes. Et pour ce rapport, ils ont utilisé que les polluants certains. Voilà. Donc j'ai fini pour ce dossier. Ok, bon, sur cette liste épouvantable. Pendant l'énumération, on a eu une petite discussion dans la chatroom avec Topo, qui comprenait pas, en fait, il avait pas bien entendu si tu parlais de proton ou de croton, il connaissait apparemment pas non plus le mot, moi je le connaissais pas non plus, et du coup il est allé regarder un petit peu ce que c'est, et il est tombé sur un truc absolument terrifiant, un site qui fait la promotion des huiles essentielles et qui promeut l'huile essentielle de croton. C'est indiqué en toutes lettres, suivez à la lettre les prescriptions de votre naturopathe pour le mode d'application. Ouais. C'est juste effrayant, quoi. Et puis en même temps, comme Topo, c'est Topo, il est aussi allé chercher dans la littérature scientifique. Et puis effectivement, on trouve des choses, quoi. C'est juste abominable. Oui, c'est vrai, c'est légal comme site. Enfin bon, ouais, c'est bizarre que ce soit légal quand même. Ouais, écoute, j'en sais rien. C'est un truc qui fait la promotion d'huile essentielle. Je lance un appel aux auditeurs, peut-être du côté des auditeurs qui font partie des mouvements zététiques ou autres. Est-ce qu'il y a aux policiers. Ouais, un organisme auprès duquel on peut signaler ce genre de truc, parce que c'est juste criminel, quoi. C'est probablement par ignorance. Ouais. Mais l'huile de croton, justement, c'est toxique, c'est un promoteur. Donc en fait, peut-être donc, que faut c'est qu'il y ait déjà... il faut qu'il y ait déjà eu l'initiation, c'est ça. Hein. Donc en fait, il faut qu'il y ait une exposition prolongée à doses assez importantes. Donc peut-être que dans les articles, je ne sais pas quels articles scientifiques Topo a vu, mais moi je ne sais pas à quel point c'est cancérogène, hein, mais si ça se trouve, il faut quand même une exposition importante et pendant une durée importante pour avoir un effet cancérogène de l'huile de croton. Ouais. Mais je ne sais pas, hein, parce que sinon c'est vrai que ce serait très, très bizarre. Ouais. Bon, c'est un article de 1955. Si ça se trouve, il a été remis en question depuis. Ouais, d'accord. Mais s'il n'a pas été remis en question, ça veut dire que ça fait quand même un moment qu'on est au courant. Enfin, c'est incroyable. Bon, mais okay. En fait, cette huile de croton, elle était intéressante parce que c'était, je crois que ça a été découvert en fait dans une expérience où ils s'apercevaient que c'était cancérogène, seulement si ça avait été soumis. En fait, c'était un médecin anglais, je crois, qui avait étudié le cancer du rectum chez les ramoneurs. D'accord. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait remarqué qu'il fallait que l'huile de croton était cancérogène uniquement s'ils avaient été exposés à la suie auparavant. Et en fait, ça permettait bien de faire cette distinction entre initiateur et promoteur. Ouais, mais bon, là, j'ai pas mes sources sous les yeux, donc je mets tout ça sous réserve de. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, magnifique dossier, merci infiniment. C'était. Bah, merci à toi et à vous de m'avoir écouté. On avait encore deux, trois petites choses à dire avant de conclure. Bon, moi j'avais envie de revenir sur l'annonce du boson, mais bref, allez, peut-être vite en vitesse. Donc là, au moment de la diffusion en live, la première diffusion en live du podcast, on est le 5 juillet 2012, donc le boson's day, c'était hier. Il y a quand même un truc qui m'a frappé en suivant la conférence d'une oreille distraite et puis en constatant en même temps que la plupart des journaux en ligne et puis ce matin c'était dans la presse papier en faisaient leurs gros titres. Par exemple, hier matin pendant la conférence, lemonde.fr titrait en une « Le boson de Higgs découvert avec 99,99999% de certitude ». Ce matin, le 20 minutes édition suisse titrait « La particule de Dieu débusquée au CERN ». En fait, j'ai bien suivi la conférence, ils n'ont pas confirmé la découverte du boson. Alors, il y a des soupçons, en fait, c'est à peu près la même annonce que l'année dernière, sauf que les résultats ont encore été un peu affinés. On est sûr maintenant d'avoir trouvé une particule. Cette particule est a priori compatible avec ce qu'on s'attend à trouver du boson de Higgs, mais on n'a pas encore pu vérifier les propriétés. On manque encore de données, quoi. L'annonce officielle aura certainement lieu peut-être l'année prochaine ou la suivante. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'ils font beaucoup de tapage pour finalement une nouvelle qui est la même que celle qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'il y a de fortes probabilités pour qu'on ait trouvé le boson de Higgs. Exactement, ouais. Mais la dernière fois, on était prudent. Cette fois, on a parlé de miracle, on a parlé de journée historique. C'est étonnant comme mode de communication. Oui, c'est toujours le mode de communication des journalistes qui survendent chaque événement de manière outrancière, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'au CERN, ils y allaient des superlatifs, mais c'était plutôt pour vanter les prouesses du LHC. Quand ils parlaient de miracle, c'était ça, quoi. C'était pas encore pour une remise en question fondamentale de notre compréhension de la physique. Enfin, d'ailleurs, c'est pas une remise en question fondamentale, puisque ça confirmerait, ça confirmera le modèle standard de la physique. Mais enfin, voilà, quoi. Il fallait que quelqu'un le dise quand même. Alors voilà, c'est fait, on l'a dit. On n'est pas encore tout à fait sûr d'avoir découvert le boson de Higgs. Et puis, toi, tu avais encore un petit point à faire, je crois. Ouais, mais je le ferai la semaine prochaine D'accord. vu qu'on est un peu charrette. Ouais, Ouais, je demanderai la semaine prochaine. quand tu auras un son potable. Ok, alors il nous reste Voilà. à savoir de quoi on va parler la semaine prochaine. Et pour ça, si tout va bien, on doit avoir un message de Nico. On va voir si on arrive à l'écouter. Allô? Allô, oui, c'est Nico. Je suis désolé, mais je vais être en retard pour le podcast. Je sais, j'ai fait mon possible, mais je suis dans les embouteillages, ça avance pas. Bon, j'ai eu le frère de Franck qui va faire la première partie du dossier. Il m'a construit une excuse en or, il va vous expliquer comment et pourquoi les embouteillages se forment, et en quoi ce n'est donc absolument pas ma faute. Avec un peu de chance, il vous expliquera aussi comment défaire un embouteillage, auquel cas, appelez-moi. Bon, pendant ce temps-là, moi j'attends et je médite, j'essaie de comprendre pourquoi la file d'à côté est toujours celle qui avance le plus vite. Je vous fais un rapport dès que je suis là. À la semaine prochaine! Ce sera un dossier à deux voix, puisqu'on aura la chance, en principe, si tout se passe bien, d'avoir ton frère avec nous qui vient s'entraîner pour. C'est quoi la présentation de ses examens? Ouais, il va présenter donc un sujet, oui, pour intégrer une école d'ingénieurs sur justement sur la formation des embouteillages, la modélisation des voitures sur la route. Mais il nous en parlera bah, avec Nico, alors je crois, puisque Nico, je ne sais pas de quoi il va parler de Nico non plus, mais je pense que ce sera sur le même sujet aussi. Ouais, je crois qu'il y aura un petit peu de ça, il y aura un petit peu de mathématiques en tant qu'art conceptuel. Enfin, on est parti pour un numéro un peu funky la semaine prochaine. Mais Ok. je sens que ça va être très bien. On a une quote en français qui nous a été communiquée par Xavier ex-Agnès, désormais Durussel. L'art est fait pour troubler, la science rassure. C'est de Georges Braque. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Moi, je suis pas du tout d'accord avec Bah, en ça. l'occurrence, ouais, je suis d'accord non plus. Ouais. Parce que Bon. là, la science a plutôt tendance à inquiéter. Mais c'est vrai que la science, quelque part, c'est l'expression de l'anxiété. Dans nos sociétés, maintenant, on n'a plus trop de religion, souvent. Et la science, c'est un peu ce qui remplace la religion, d'une certaine manière. Donc, ouais, je vois je comprends un petit peu comment la science peut rassurer, mais moi, j'aurais plutôt tendance à penser l'inverse. Ouais, moi aussi. Je pense que on est rassuré quand on entend ce qu'on a envie d'entendre, quoi. Et c'est précisément ce que ne fait pas la science, quoi. Elle se base sur des faits, puis elle n'hésite pas à se remettre en question et à changer de discours. D'ailleurs, si les faits changent, si les données changent, les mesures changent. Du coup, je pense pas qu'elle soit vraiment rassurante. Alors ouais, c'est peut-être rassurant au niveau technologique. La science sait faire voler des avions, on sait prédire qu'il n'y a pas de raison qu'ils tombent spontanément. À ce niveau-là, c'est peut-être rassurant, effectivement. Ouais. Bon, je sais pas Mais ce que voulait dire Georges Braque quand il a dit ça. super content en tout cas, ouais. J'aime bien. Ok, ouais, bah en tout cas, merci à Xavier, qui d'ailleurs nous a permis ce dépannage de dernière minute, puisqu'on n'a pas Marco sous la main avec sa quote en anglais. Donc, bah, tout va bien. Cette fois, on se retrouve la semaine prochaine? Ouais, ça marche. Ok, excellent. Bah, écoute, merci encore pour ton dossier. Merci à tout le monde dans la chatroom. Merci à tous nos auditeurs en général, d'ailleurs, qui interviennent ou pas, qui réagissent ou pas, qui nous font part de leurs commentaires, de leurs coups de gueule. On se nourrit de tout ça, c'est très bon. Donc, merci à tout le monde. Et puis, bah, à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Merci, ciao.